Exercice 2, page 25. A. Le boulevard Voltaire. B. Traversez l'avenue. C. Prenez à gauche. D. C'est au bout de la rue Pia. E. En face de la poste. F. Je vous remercie.